La présence d'ecclésiastiques au sein des conseils politiques des princes dans l'Europe de la Renaissance est quelque chose d'assez évident. Si le début du XVIIe siècle peut paraître comme être la période au cours de laquelle les principaux ministres sont des favoris, sur le modèle des ducs de Luynes, de Lerma, de Buckingham, de Richelieu, etc., le début du XVIe siècle, un siècle plus tôt, est véritablement la période au cours de laquelle les principaux ministres sont très souvent des prélats. Il suffit de penser à des personnages comme William Wareham, archevêque de Canterbury en Angleterre, ou à Thomas Wolsey, sans parler d'autres personnages comme John Morton ou Stephen Gardiner. On peut penser également à Pedro González de Mendoza en Espagne, ou à Cisneros, sans parler là encore de Gattinara ou de Juan Tavera. On peut penser en France à Georges d'Amboise, mais aussi à François de Tournon, ou au cardinal Duprat, du Bellay, etc. Dans l'Empire, au cardinal Matthäus Lang, et puis en Écosse, au cardinal David Beaton, et évidemment, la liste n'est pas close. Pour autant, il faut se garder de l'illusion de l'unité et ne pas masquer les divergences derrière les analogies. Si je reprends les exemples des favoris principaux ministres du début du XVIIe siècle, on a affaire à des logiques à l'œuvre qui sont très différentes, avec un personnage, par exemple, comme le duc de Lerma, dont la faveur, en fait, s'explique par une tentative de contrôler les factions qui sont nés de la re-aristocratisation des conseils, alors que Concini, à l'inverse, est une tentative en France pour essayer de contrer précisément cette re-aristocratisation, enfin, l'opposition ou les tentatives de prise en main des grands du royaume. Alors, est-ce que c'est la même chose pour les prélats d'État, pour les prélats à la tête du conseil au début du XVIe siècle, ou est-ce qu'on a affaire à des gens qui correspondent, quels que soient les espaces, quels que soient les moments, au même modèle ? Je voudrais d'abord rappeler pour commencer que la présence d'ecclésiastiques dans l'appareil d'État ne se limite pas, hein, loin de là, à la tête du Conseil. Et dans les grandes monarchies occidentales de la fin du Moyen Âge, on trouve toujours quelques dizaines de prélats qui s'imposent dans les différents secteurs du gouvernement au point de constituer une sorte d'institution informelle et que ce soit dans l'administration provinciale, dans l'administration des finances, dans la diplomatie ou au Conseil, ces prélats donc sont présents de manière tellement importante qu'il y a quelques années, j'avais choisi de parler d'eux, dans le cas français et anglais, en utilisant l'expression de prélat d'État. Ce colloque est donc l'occasion d'approfondir la question de la présence des ecclésiastiques au Conseil à l'échelle européenne. Et pour ce faire, je m'appuierai essentiellement sur un livre qui vient de sortir et qui était l'œuvre d'une dizaine d'historiens européens, essentiellement. Et je parle d'ailleurs sous le contrôle de certains des auteurs qui sont présents dans la salle, notamment José Martínez Milán et Jean-Marie Cauchy. Je voudrais procéder en trois temps dans ma présentation. D'abord, effectuer une pesée globale de la présence ecclésiastique au Conseil dans un espace européen qui sera le plus large possible. Je voudrais ensuite essayer d'expliquer cette présence avant d'examiner la manière dont les ecclésiastiques s'inscrivent au sein de conseils qui sont en pleine mutation dans ces années 1450-1550, des conseils qui sont notamment, et c'est quelque chose qui nous intéresse au premier point aujourd'hui, qui sont notamment en voie de laïcisation. Donc, premier aspect, une approche chiffrée. Je viens de l'évoquer et je passerai assez rapidement là-dessus. Les prélats sont très importants à la tête des conseils. Je viens de donner une série de noms. Mais on peut quand même rappeler peut-être que dans certains cas, comme dans le Conseil de Castille, il y a même un monopole ecclésiastique sur la présidence de ce conseil, puisque tous les présidents sont systématiquement des prélats. Donc, qualitativement, la présence des prélats au Conseil est une évidence. Maintenant, qu'en est-il quantitativement ? C'est-à-dire que si on étudie plus simplement la poignée de 2, 3, 4 individus qui se succèdent à la tête des conseils au cours d'un règne, mais les quelques dizaines de conseillers qui sont dans l'entourage des princes sur l'ensemble d'un règne. Je voudrais donc essayer d'opérer cette pesée globale. En commençant par souligner un problème, c'est-à-dire que c'est plus compliqué que ce qu'il y paraît. C'est-à-dire pour savoir quel est le poids de l'Église dans ces conseils, et donc quel est le sens que l'on peut en tirer sur la nature de l'État à cette époque-là, il suffit pas en fait de distinguer brutalement les clercs d'un côté et les laïcs de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait par exemple d'un personnage comme Antoine Duprat ? Antoine Duprat, il est chancelier d'une part, et il est cardinal d'autre part. Mais en fait, c'est un personnage qui ne peut embrasser l'État ecclésiastique qu'une fois qu'il est quinquagénaire, qu'il est donc veuf, alors qu'il a effectué toute sa carrière au service du roi au Parlement de Paris. Donc est-ce que la présence de Duprat comme personnage très important dans le conseil de François Ier est interprétée comme une dimension ecclésiastique ou comme une dimension bureaucratique plus traditionnelle? On peut poser la question. En Espagne, qu'est-ce qu'on fait de ceux des letrados qui, sans être des ecclésiastiques, n'en sont pas moins passés par le moule des colegios mayores et ont longtemps eu un mode de vie très proche de leurs homologues ecclésiastiques. En Angleterre, toujours à la même époque, il y a des différences de chiffres très marquées, mais qui vont donc poser des problèmes d'interprétation. Pour dire les choses simplement, en 1500, de très nombreux étudiants qui sortent des universités d'Oxford ou de Cambridge avec un diplôme en droit civil font deux choses. La première chose, c'est qu'ils entrent au service du roi et ils occupent des fonctions de secrétaire, de diplomate, d'administrateur, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'en même temps, ils embrassent l'État ecclésiastique. Mais en 1530, enfin à partir de la décennie 1530, les hommes qui ont un profil identique, un profil social, un profil culturel, avec les mêmes diplômes en droit civil, eh bien, continue à entrer au service du roi, mais abandonne le choix de la carrière ecclésiastique. Est-ce que pour autant ça change le sens ou la nature de l'État anglais de cette époque-là ? Là encore, on peut poser la question. Quoi qu'il en soit, sur l'ensemble des espaces qui ont été étudiés dans le livre que je viens d'évoquer, on peut distinguer trois grandes catégories. D'abord, des espaces dans lesquels on a une très forte présence ecclésiastique au Conseil, d'autres espaces dans lesquels on a une présence significative, et un troisième type d'espace dans lesquels la présence est beaucoup plus marginale. Alors, d'abord, les espaces dans lesquels on a une forte présence ecclésiastique. Je vais vous proposer un certain nombre de tableaux sur lesquels, malheureusement, puisque nous n'avons qu'une demi-heure, je ne pourrai pas m'éterniser. Donc j'en dirai l'essentiel à chaque fois et on pourra éventuellement, s'il y a des questions, revenir dessus tout à l'heure. Dans le cas de la Hongrie, on a, en fonction des règnes, entre la moitié et un tiers des conseillers. Donc vous avez compris, vous avez les règnes, le chiffre total des conseillers sur ce règne et le nombre d'ecclésiastiques parmi ces conseillers. Donc on a entre la moitié, et donc tous ces chiffres que je vous donne là sont tirés des listes de conseillers qui ont été fournies dans le livre dont je viens de vous parler. Donc on a entre la moitié et un tiers des conseillers qui sont des ecclésiastiques. En Espagne, si on prend le Consejo de Estado, donc la liste fournie par José Martínez Milán, on a en gros un quart d'ecclésiastiques parmi l'ensemble des conseillers et on est en revanche plus proche d'un gros tiers pour le Conseil de Castille. En Angleterre, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que en fait, le pourcentage n'est pas le même au cours de la période. On est à un tiers d'ecclésiastiques au début du règne, enfin au début de la période sous le règne d'Henri VII, et on passe à 10%. Il y a un court revival sous le règne de Marie Tudor, mais qui ne signifie pas grand-chose, qui est éphémère. C'est-à-dire que sous Élisabeth Ier, on retombe sur les pourcentages qu'on avait pour le règne d'Édouard VI. Deuxième type d'espace, présence ecclésiastique significative, la France, avec entre un quart et un sixième ou un septième d'ecclésiastiques, le Portugal, avec des pourcentages comparables, les Pays-Bas, alors, sur le règne de Philippe le Beau, on a à peu près la même chose. Et dans ces trois, quatre figures-là, France, Portugal, Pays-Bas, les chiffres sont moins importants, mais les prélats occupent des postes important dans ces conseils. Et puis on a des espaces où la présence ecclésiastique est marginale, type le duché de Milan avec 10%, ou les Habsbourg d'Autriche étudiés par Heinz Noflatscher. Donc la question qu'on peut se poser à présent, c'est pourquoi est-ce que ces prélats sont présents, qu'est-ce qu'ils apportent au conseil ? La première chose à dire, c'est qu'il est essentiel de ne pas écraser la présence ecclésiastique au Conseil sous quelques explications grossières qui seraient généralisables partout, du type les prélats sont puissants, ils sont riches, ils sont issus de grandes familles aristocratiques, ils apportent un savoir technique aux affaires de l'État, puisque la plupart d'entre eux sont passés par les universités, et donc ils sont nombreux au Conseil. D'abord, rares sont les prélats qui accumulent toutes ces qualités. Deuxièmement, on a vu que la présence des prélats dans les différents conseils était inégale. Donc on ne peut pas avoir un facteur explicatif généralisé. Et ensuite, on va le voir, les logiques à l'œuvre varient en fonction des espaces et en fonction des moments. La première, donc, l'idée, si vous me passez la simplicité de ce titre, c'est qu'on a de multiples raisons à la présence ecclésiastique au Conseil. La première idée qu'on peut évoquer, c'est que les affaires de l'État sont de plus en plus compliquées au XVe siècle et encore plus au XVIe siècle, et donc elles exigent, ces affaires de plus en plus compliquées à traiter, elles exigent des conseillers qui ont des profils divers. Et d'ailleurs, cette idée que le profil des conseillers doit être divers se retrouve exprimée chez les théoriciens du Conseil de l'époque, chez Christine de Pisan par exemple. Elle explique dans le Livre de la Paix qu'il y a en gros trois grandes catégories de conseillers qui sont nécessaires aux princes, des nobles, pour ce qui touche à la guerre, et puis pour la sagesse qu'on leur prête, les légistes et autres prélats, je cite Christine de Pisan, et puis des bourgeois pour les finances. Et les légistes et autres prélats, c'est pour tout ce qui touche à la justice et aux finances. Et on pourrait trouver des textes comparables en Angleterre, au Portugal ou en Espagne à la même époque. Il y a une deuxième raison qui est importante et sur laquelle il faut peut-être passer un peu plus de temps, qui est la question de la puissance temporelle des prélats. C'est une question qui pose un problème, c'est-à-dire que si la puissance temporelle était la clé d'entrée au Conseil, eh bien, le Conseil de Louis XI et celui de François Ier auraient été constitués majoritairement d'aristocrates. Or, ça n'est pas le cas. La relation entre le prince et les plus puissants de ses sujets est très souvent une relation un petit peu compliquée, et un prince qui veut conserver la main cherche généralement à les maintenir un peu à distance, ou tout au moins à utiliser les plus puissants de ses sujets de manière à ce que ça lui soit utile, donc à les faire entrer à son conseil pour légitimer des décisions complexes ou qui risquent d'être impopulaires, comme d'une augmentation d'impôts, etc. Mais ça n'est pas la puissance, et plutôt il y a plutôt un risque, quand on est très puissant dans ces années-là, de se voir fermer la porte du conseil que de se la voir ouvrir. Sauf, évidemment, si on est puissant et que le souverain est faible. Et donc, effectivement, on peut observer que dans les différents espaces étudiés par le livre, les espaces où les évêques sont les plus nombreux sont les espaces où les évêques sont les plus puissants et où parfois les princes sont les plus faibles. Si on prend l'exemple de la Hongrie que j'évoquais tout à l'heure, on peut déjà signaler quelque chose qui est que l'expression de « conseil » ne se trouve presque jamais dans les archives de la Hongrie au XVe ou au XVIe siècle. On trouve à la place l'expression « les prélats et les barons ». Et dans un contexte où le pouvoir royal hongrois est relativement faible, effectivement, les rois de Hongrie n'ont pas le choix et ils sont obligés d'accueillir à leur conseil aussi bien les barons, les plus puissants aristocrates de leur royaume, que les prélats qui sont extrêmement puissants. Ils ont des revenus cumulés qu'on peut estimer à sans doute plus de 200 000 florins. Ils ont des cours, ils ont des soldats, ils ont des milices, etc. Et donc le roi de Hongrie est obligé de les avoir en son conseil. Il est obligé, et également ça lui rend service, parce qu'il ne faut pas oublier que le conseil peut être défini comme un point de contact. Le conseil, c'est le point de contact entre le prince et ses sujets, mais également entre le pouvoir central et les périphéries. Si on regarde par exemple les origines géographiques des 50 principaux conseillers de François Ier, on s'aperçoit que l'ensemble du royaume est couvert par les conseillers. Si on regarde maintenant quelques documents, notamment celui-ci qui émane donc du conseil hongrois, on s'aperçoit que sur cette décision prise par le conseil de Vladislas II le 11 mai 1511, eh bien on a en bas de la décision 36 sceaux qui sont apposés. Et la première ligne, les 12 sceaux de la première ligne, sont les sceaux des 12 prélats qui ont assisté au conseil ce jour-là. Et la finalité de ces sceaux, encore une fois, c'est de légitimer la décision et de la faire accepter par le royaume de Hongrie. On a des situations tout à fait comparables dans les royaumes scandinaves, au Danemark par exemple. L'ensemble des 7 évêques catholiques avant la réforme sont membres de droit du Riksgrad. En Angleterre, La situation est assez différente de la Hongrie. Il n'empêche que le nombre relativement réduit des diocèses se traduit par une géographie ecclésiastique qui fait que le roi d'Angleterre n'a pas les moyens, tout au moins au XVe siècle et encore au début du XVIe siècle, de se priver de l'évêque de Winchester, par exemple, qui est l'évêché le plus riche d'Angleterre, comme un de ses principaux conseillers. Et si on regarde la liste des évêques de Winchester du début du XIVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle, tous les évêques de Winchester sont en même temps chanceliers ou gardes des sceaux. En Espagne, on pourrait faire des analyses assez, assez comparables. Autre point qui est important, c'est la relation qu'on peut opérer entre le fait d'être un ecclésiastique et le fait d'avoir un savoir technique ou d'occuper des offices techniques. Parce que je viens d'expliquer que dans certains espaces, les évêques étaient très présents, mais on a vu que ce n'était pas le cas partout, qu'ils sont plus ou moins présents. En revanche, partout, il y a un lien qui peut être établi entre l'évêque et le droit, généralement. Dans le cas portugais, Rita Costa Gomes montre que les prélats du Conseil sont très souvent des lettrés qui ont derrière eux de longues carrières au sein des organes centraux du gouvernement. En Hongrie, Dénes Arai montre que le chancelier, c'est un monopole ecclésiastique jusqu'aux années 1530. En France et en Angleterre, en France, entre le XIVe et le XVIe siècle, sur les 80 chanceliers qui se succèdent, sur les 50 conseillers chanceliers qui se succèdent, il y en a 20 qui sont des ecclésiastiques. Et en Angleterre, sur les 80 chanceliers qui succèdent au cours de la même période, on en a un peu plus des deux tiers qui sont des ecclésiastiques. Parfois, c'est un peu plus balancé, comme en Bourgogne, où on a moitié-moitié à peu près d'ecclésiastiques et de laïcs. Et pourtant, on verra dans quelques instants qu'on observe des phénomènes de laïcisation généralisée qu'il importe d'expliquer. Il y a un dernier point qui me semble intéressant, c'est le rôle des ecclésiastiques dans ce que j'ai appelé la propagande royale, mais qu'on pourrait appeler, si on veut un terme moins polémique, la communication politique. Le gouvernement, c'est pas simplement le fait de la diplomatie, plutôt c'est pas simplement le fait de se battre avec son voisin, c'est aussi d'essayer d'emporter, de mettre l'opinion de son côté. Et on observe que au moment des montées de tension entre le royaume du Portugal et le royaume de Castille, les rois du Portugal sollicitent l'université de Lisbonne pour défendre leur position, pendant que les rois de Castille sollicitent l'université de Salamanque. Et le lien, en fait, entre le Conseil et ces universités qui vont essayer d'élaborer des arguments pour justifier la politique de tel ou tel souverain, le lien, en fait, au Conseil, il passe par les ecclésiastiques. Alors, il ne passe pas exclusivement par les ecclésiastiques. On a des laïcs lettrés au Conseil, mais il passe notamment par les ecclésiastiques. Et si on prend quelques cas précis, comme par exemple la grande campagne anti-pontificale et pro-impériale de 1526-1527 en Espagne, cette grande campagne est orchestrée par Gattinara. Si on regarde en Angleterre, à partir de 1527, au moment où Henri VIII cherche des arguments pour essayer d'obtenir l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon, à qui s'adresse-t-il ? Aux ecclésiastiques de son conseil, qui non seulement vont essayer de d'élaborer un argumentaire, mais qui vont également se rendre dans les différentes universités, notamment Oxford et Cambridge, mais également sur le continent, pour essayer d'emporter un maximum d'adhésion pour légitimer la volonté royale. Quelques années plus tard, en 1534, au moment de la rupture avec Rome, c'est à nouveau vers les ecclésiastiques de son conseil qu'Henri VIII va se tourner, et les trois grands traités qui justifient la suprématie royale sur l'Église d'Angleterre sont rédigés entre 1534 et 1535 par Edward Fox, évêque d'Hereford, Richard Sampson, évêque de Chichester, et Stephen Gardiner, évêque de Winchester, qui tous sont membres de son conseil. Et là encore, on pourrait multiplier les exemples. Tels sont présentés très rapidement les différents services, ou je dirais les principaux services plutôt, que proposent les prélats au souverain et qui participent à expliquer leur place et leur présence au Conseil. Mais les années 1450-1550 correspondent à une période de mutation importante au sein des conseils en Europe. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment s'inscrivent les prélats au sein de ces mutations et quel est le résultat en fait des transformations des différents conseils pour la place des prélats en leur sein. Ce sera l'objet de ma troisième partie. Avant d'examiner cette question, je voudrais très rapidement présenter les trois points qui, parmi de très nombreuses évolutions, mais les trois points principaux qui, à mon sens, doivent être retenus pour qualifier les conseils de ces années 1450-1550. Le premier point, c'est l'institutionnalisation croissante des conseils. Les années 1450-1550 correspondent au moment où se cristallise le passage d'un entourage de conseillers à l'institution d'un conseil. Il suffit de regarder les différentes dates où se sont formalisés des conseils qui existaient déjà, la plupart du temps quasiment sous cette forme, mais qui véritablement sont créés en tant qu'institution. Vous voyez que c'est à la fin de cette période que j'évoque, 1450-1550, dans les différents espaces. Deuxièmement, cette institutionnalisation se traduit par l'essor et l'affirmation d'une catégorie de serviteurs techniciens qui sont bien incarnés par les Letrados en Espagne, les Togati à Naples ou les Robins en France. Mais aussi, au sein de ces groupes assez vastes, par un personnage qui est de plus en plus important, qui est le secrétaire, et sur lequel, le secrétaire du Conseil, sur lequel on aura l'occasion de revenir. Et le troisième point qu'il faut retenir, c'est la dimension domestique encore très importante de ces conseils, dimension domestique à laquelle l'institutionnalisation ne met pas un terme, loin de là. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, effectivement, mais en fait de manière assez logique, le renforcement et la centralisation croissante de l'État, ainsi que sa bureaucratisation croissante, se traduisent par un renforcement du pouvoir du prince, et donc logiquement par un renforcement du pouvoir de certains membres de son entourage. Et on se retrouve donc, en fonction des espaces, des moments, de la personnalité des souverains, avec différents types de profils à la tête des conseils. Soit on a des gens, des individus qui sont à la tête des départements administratifs de l'État. Le meilleur exemple, c'est le chancelier, c'est par exemple Thomas Wolsey en Angleterre. Mais on a également des individus d'horizons très différents, pardon, qui sont par exemple à la tête des services de la cour, comme le grand maître en France. On a une succession de grands maîtres qui sont les protecteurs du conseil sous le règne de François Ier. Ou alors d'autres individus qui relèvent également du registre de la faveur, mais d'une manière très différente, qui sont les secrétaires, type Francisco de los Cobos en Espagne ou Thomas Cromwell en Angleterre. On voit bien que le prélat est bien placé pour le premier profil, celui de chancelier, puisqu'ils sont très présents dans les offices techniques, mais qu'il est beaucoup moins bien placé pour tout ce qui touche au registre de la faveur. Donc la question qui se pose, c'est comment se positionnent les ecclésiastiques dans ce contexte de mutation du Conseil. De manière assez attendue, avec tout ce que je viens de dire, les ecclésiastiques s'intègrent selon des schémas différents en fonction des espaces. En Angleterre, tous les prélats du Conseil, d'Henri VII à Édouard VI, John Morton, William Warham, Thomas Wolsey, Richard Fox, Thomas Wolsey, Stephen Gardiner, Thomas Thirlby ou Édouard VI, un des derniers prélats rescapés, tous ces prélats sont présents au Conseil en leur qualité de juristes. C'est elle qui justifie leur présence. Ils relèvent donc largement de la dynamique bureaucratique de l'État et non pas de la dynamique domestique. En Hongrie, on l'a vu, c'est la puissance des prélats qui est comparable à celle des barons qui explique leur présence au Conseil. Et on est donc dans une logique qu'on pourrait peut-être qualifier de plus traditionnelle, de féodale. En France, on a une situation un peu différente. Les prélats du Conseil, Georges d'Amboise, Jean de Lorraine, Jean du Bellay, François de Tournon, sont presque tous des nobles qui doivent leur présence au Conseil à la puissance de leurs réseaux familiaux. Ils ont des frères, des cousins, des oncles, des neveux qui sont gentilshommes de la chambre privée, amiral, connétable, etc. Et à l'occasion, à leur savoir technique. Il renvoie donc en fait à un mixte des formes bureaucratiques et domestiques de l'État. En Espagne, au Portugal, on peut également présenter des évolutions chronologiques assez importantes. Donc ce qui ressort en fait de ces différents cas de figure, c'est, pour expliquer la présence ecclésiastique au Conseil, c'est la dimension éminemment pragmatique de l'affirmation du pouvoir royal ou du pouvoir princier au tournant des 15e et des 16e siècles. Les prélats, très clairement, viennent renforcer les différents processus qui sont à l'œuvre. Il y a un autre point qui mérite d'être creusé un petit peu, c'est la question des origines sociales des prélats du Conseil et notamment de leur rapport avec la noblesse. un peu partout, en fait, même donc dans des situations très différentes, un peu partout, on a un recul de la part de la noblesse au sein des prélats, mais des prélats en général, hein, pas simplement des prélats du Conseil. C'est très clair dans le cas de la Hongrie, par exemple. Jusqu'à la seconde moitié du XVe siècle, les prélats sont issus des plus grandes familles en Hongrie, ce sont des aristocrates, jusqu'à la seconde moitié du XVe siècle, puisque Matthias Ier, en fait, bouleverse cette situation, et que près de la moitié des 35 prélats qui sont nommés sous son règne sont issus de la bourgeoisie, de la paysannerie ou bien sont des étrangers. Clairement, l'objectif de Matthias est de rompre la mainmise de l'aristocratie hongroise sur les prélats, donc d'affaiblir les prélats et donc d'accroître son pouvoir par rapport aux leurs. Et cette politique est poursuivie d'une manière un peu différente et un peu cynique, on peut dire, sous le règne de Jean Zápolyai, qui devient roi en 1526, puisque ce roi profite de l'hécatombe de la bataille de Mohács. Je vous rappelle qu'à la bataille de Mohács en 1526, la moitié des prélats de Hongrie meurent les armes à la main, ce qui vous situe d'ailleurs socialement, culturellement, ces prélats. Eh bien, Jean Zápolyai choisit d'exploiter politiquement cette hécatombe en ne nommant pas de remplaçants dans un certain nombre de sièges vacants. Si je reprends très rapidement l'exemple des évêques de Winchester, je vous disais, tous ces évêques sont chanceliers ou gardes des sceaux entre le début du XIVe et le milieu du XVIe siècle, c'est vrai, mais ce qu'on peut signaler, c'est qu'alors qu'ils sont très souvent des aristocrates issus de la nobility anglaise, donc de l'aristocratie, jusqu'à la fin du XVe siècle, à la mort de Peter Courtenay en 1492, tous ses successeurs sont soit des yeomen, soit des gentlemen, donc issus d'une partie de la société très inférieure à la nobility. Là encore, sur l'Espagne, on pourrait faire des réflexions parallèles. Je m'arrête une seconde sur la France. La France, situation un petit peu particulière. Il y a plus de 130 diocèses en France. Donc on a de tout en France chez les prélats. On a de l'aristocrate, on a du gentilhomme moyen, on a du bourgeois, on a même du paysan enrichi. Mais en France, il y a une règle tacite, semble-t-il, qui est que l'influence des familles liées au pouvoir est généralement inversement proportionnelle à celle de leurs représentants au sommet de l'Église. Je vais redire ça en français, je vous rassure. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les maréchaux, les connétables, les gentilshommes de la chambre privée, etc., tous les personnages les plus importants de la cour parviennent à placer leurs frères, leurs cousins, leurs oncles, etc., au sommet de la hiérarchie ecclésiastique. Ils font même très souvent des cardinaux. Mais en gros, tous ceux qui occupent une place importante au conseil et qui élèvent des membres de leur famille à la pourpre cardinalis, eh bien, ces cardinaux issus des plus puissantes familles n'ont aucune influence politique. Les cardinaux du Conseil, les prélats, les archevêques du Conseil sont des gens qui sont issus de familles qui ont éventuellement une influence locale, mais qui n'ont certainement pas une influence au Conseil. Partout, et je terminerai par ce point, partout, on observe, ce sera le dernier point, une laïcisation du Conseil et des institutions princières. C'est quelque chose qu'on peut remarquer d'une manière symbolique. Par exemple, c'est sous le règne de Jean Zápolyai que pour la première fois, dans la décennie 1530, un chancelier de Hongrie n'est pas un ecclésiastique, mais est un laïc. Mais il me semble que c'est dans le cas en Angleterre qu'on voit les choses de la manière la plus claire possible. Si on compare deux instantanées, 1516-1540, en 1516, le chancelier, le garde du sceau privé, le secrétaire d'État, le Master of the Rolls, le clerc du Conseil, tous ces hommes sont des prélats ou des futurs prélats. Une vingtaine d'années plus tard, tous ces hommes ont été remplacés par des laïcs. Donc, dans le cas anglais, on a une laïcisation très rapide et assez brutale, mais l'idée à laquelle renvoie cette laïcisation rapide est une idée qui est assez juste sur l'ensemble de l'Europe. Donc, je conclurai en m'interrogeant sur les raisons de cette laïcisation du Conseil. Il y a une première explication qui est juste, qui est une explication religieuse qui réside dans la redéfinition du rôle du prélat dans la société. La fonction pastorale de l'évêque est réaffirmée, notamment dans le cadre de la réforme catholique, et donc les prélats n'ont plus leur place à l'État, dans l'État, ou ont moins leur place dans l'État. Et on a encore vu ce matin des exceptions très, très importantes, mais précisément, ce sont des exceptions. Ça n'est plus la norme. Il y a une deuxième raison qui est les limites de l'Église, c'est-à-dire que l'Église n'a pas une infinité de bénéfices. Donc si on a un secrétaire, on peut lui trouver un évêché, mais comme souvent on a 4, 5, 6, 7 secrétaires, ça devient compliqué s'il faut trouver 7 évêchés pour les secrétaires, et puis 7 bénéfices mineurs pour les aides des secrétaires, etc. Donc à partir du moment où on a une inflation en termes de volume du nombre de serviteurs de l'État, l'Église n'a pas les moyens de pourvoir tout le monde. Donc, mais mathématiquement, on va dire, l'Église est forcée de s'effacer. Mais il y a des raisons, d'autres raisons, qui n'invalident pas celle-ci, hein, que je viens d'évoquer, qui les précise un petit peu, qui sont des raisons plus politiques. Là encore, pour dire les choses simplement, dans le nouveau jeu politique qui se met en place, et notamment dans l'affirmation des princes au détriment de leurs conseils, c'est-à-dire qu'on a affaire presque partout à des princes qui contrôlent de mieux en mieux leurs conseils, eh bien, les prélats ne se voient distribuer à peu près aucune carte maîtresse. Je le disais tout à l'heure, les prélats sont présents au Conseil en raison de leur puissance politique, origine sociale, richesse, implantation régionale, et également en raison de leur forte inscription dans un certain nombre d'institutions centrales, notamment la chancellerie. Or, qu'est-ce que fait le prince dans ces années-là ? Il met au pas les grands féodaux, il raccourcit les rênes de son clergé, notamment de ses évêques, il affaiblit le pouvoir de ses grands officiers, tandis que de nouveaux serviteurs, dont la figure la plus éclatante est celle du secrétaire, apparaissent. Donc à la fin de notre période, en 1550, par rapport à 1450, le prélat est issu d'une partie de la société moins puissante que celle dont ses homologues des siècles précédents étaient issus. C'est-à-dire qu'avant c'était de l'aristocratie, très souvent maintenant c'est beaucoup plus de la moyenne noblesse ou de la bourgeoisie. Le prélat est moins libre en tant que prélat, l'Église est mieux contrôlée par les différents souverains. Le prélat est détenteur, lorsqu'il l'est encore, d'offices qui sont politiquement moins influents qu'avant, la chancellerie, et le plus souvent même, il n'est plus du tout détenteur de ces offices qui sont passés entre les mains des laïcs. Et donc, de manière générale, il est soumis à une concurrence exponentielle de laïcs qui sont détenteurs, eux, de positions de pouvoir extrêmement fortes, secrétaires, ministres, surintendants des finances, etc. Ce qu'il faut souligner sans doute sur ce qui se passe dans ces années-là, c'est que les années 1450-1550 voient se développer deux grands processus qui mènent en fait à un affrontement inéluctable. D'une part, on a le renforcement du pouvoir du prince, et d'autre part, on a la multiplication de structures politiques qui portent en elles un gène d'autonomie qui les amène inéluctablement à s'affirmer comme des foyers d'indépendance, de résistance face au renforcement du pouvoir du prince qui pourtant les a fait naître. Ce ne sont pas des institutions très récentes, c'est des institutions comme le Parlement, la chancellerie, etc. Et les prélats, à leur manière, constituent eux aussi une corporation susceptible de s'opposer en tant que groupe à la volonté du pouvoir du prince. Et on pourrait multiplier les exemples de propos très hostiles de différents souverains à l'égard de leurs évêques. Je pense notamment à Henri VIII, qui a des colères, j'allais dire froides, mais non, ce ne sont pas froides du tout contre ses évêques, et qui d'ailleurs ne cesse de les humilier publiquement, institutionnellement, etc. On a la même chose chez François Ier, personnalité très différente, contexte très différent, où très souvent, Jean du Bellay, notamment dans sa correspondance, rapporte que le roi a dit « je clouerai le bec à tous ces évêques qui veulent n'en faire qu'à leur tête ». Mais on a la même chose à Milan, on a quelque chose d'assez amusant qui a été trouvé par Pierre Savy. C'est Galeazzo Maria Sforza qui, pour faire honneur à Michele Mariani, qui est évêque de Piacenza, l'a nommé conseiller, mais à titre honorifique. Et en fait, Michele Mariani essaye d'entrer au conseil. Et Galeazzo Maria pique une colère en disant « je l'ai nommé conseiller pour lui faire honneur et certainement pas pour qu'il fasse résidence dans mon conseil ». Donc, au cours d'une période qui voit les conseils s'affirmer face aux conseillers, alors que l'état domestique semble céder la place à l'état bureaucratique, en fait, on ne s'impose toujours au conseil que par la faveur du prince. Ça veut donc dire que, sur la nature de l'État à cette époque-là, le processus à l'œuvre n'est certainement pas un simple croisement de courbes, c'est-à-dire chute des formes domestiques et puis montée en puissance, hausse des formes bureaucratiques. Mais en fait, on assiste à l'association des deux dimensions. Des juristes sont anoblis, des responsabilités financières sont confiées à des nobles d'épée, des secrétaires s'emparent des commandes grâce à la faveur d'un prince qui leur ouvre en même temps les charges de son hôtel. On peut penser à la signification du portrait de Thomas Cromwell par Hans Holbein, dont j'avais parlé ici il y a nombreuses années de ça. Et on observe un peu partout la fonctionnarisation des courtisans et en même temps l'exploitation administrative et politique de la féodalité. Et donc, très clairement, les ecclésiastiques sont mal placés pour incarner des serviteurs qui ne menacent pas leur souverain, mal placés pour établir des liens directs par le registre de la faveur, mal placés pour jouer le rôle de courtier ou de power broker, selon l'expression des anglo-saxons, sauf à l'échelon local. Tout ça n'est pas impossible. L'exemple de Richelieu, parmi quelques autres, est bien là pour montrer que ça n'est pas impossible. Mais ça n'est plus la norme. Donc, politiquement, en 1550, les évêques ont considérablement moins à offrir aux princes que ce qu'ils avaient à lui offrir un siècle plus tôt, en 1450. Et c'est, à mon avis, cette nouvelle mue de l'État royal qui explique leur effacement progressif. En gros, ils ont fait leur temps, ils n'ont plus leur place dans les évolutions de l'État. Je vous remercie. Et merci de ce très bel exposé. Vous nous avez proposé une approche comparative en mettant l'accent sur un certain nombre d'États et pas simplement la France et l'Angleterre. Vous nous avez proposé une approche quantitative en vous servant de l'ouvrage, du très bel ouvrage que vous avez dirigé, et vous nous avez proposé